Il y a quelque temps, quand j'ai pris en otage les enfants millionnaires, moins innocents que moi, on a mal donné que le bal est dans le crâne. J'ai fait des efforts, ça n'a rien changé, on va bien massacrer.